voix, je ne tremble pas, je ne pleure pas, dis, regarde-moi. Vois, tu peux t'en aller, tu peux me quitter, rien n'a changé. Voix.